Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le crapaud Atelopus franciscus. Le crapaud Atelopus franciscus a la peau lisse, un dos uniformément brun qui peut tirer vers l'olivâtre ou le brun foncé, un ventre rose tendre, tout comme ses pieds et ses mains. Il mesure dans les 2,5 cm et vit dans la forêt équatoriale en Guyane française. L'histoire commence au bord d'une rivière, lieu de prédilection de la population Atelopus franciscus mâle, qui s'y retrouve alors que les femelles, quant à elles, vivent sur les hauteurs des collines. Chaque genre évolue ainsi tranquillement dans un espace délimité. Que font les femelles sur les collines? Pourquoi sont-elles loin des mâles? Nul ne le sait précisément. Ce qui est certain par contre, c'est que quand la saison des pluies arrive, les femelles descendent des collines, franchissant ainsi plusieurs centaines de mètres pour retrouver les mâles. À cela une raison, la reproduction. Il est probable que les femelles sont gravides, c'est-à-dire qu'elles ont ovulé, et par là même en condition physiologique de reproduction. Il est temps de choisir un mâle chanteur. Leur critère de sélection sera en effet la qualité du chant. Les mâles sont tous là, à chanter le long de la rivière, chacun sur son propre territoire, un espace de 5 à 10 mètres carrés. Et tout se passerait pour le mieux, dans le meilleur des mondes, si de temps en temps, il ne prenait l'envie à un téméraire de se frotter à un autre mâle. En voilà un qui empiète sur le territoire de son voisin. Le rythme des coassements s'accélère, mais l'intrus n'en a que faire et s'approche de l'autre mâle au point de se trouver à moins d'un mètre de lui dans un arrogant face-à-face. Sans se démonter, le mâle, ainsi toisé, pousse un cri de rivalité puis saute immédiatement sur son adversaire. S'ensuit alors un corps à corps édifiant. Comme au catch, le gagnant sera celui qui aura retourné son adversaire. Le perdant s'allongera sur le sol, pattes relevées en signe de soumission, puis quittera la scène en silence, tandis que l'autre se redressera et poussera son cri de victoire. En revanche, lorsque la femelle entre sur le territoire d'un mâle chanteur, elle reçoit un tout autre accueil. Elle s'approchera de lui en grimpant dans la végétation où il est posté, et dès qu'il l'apercevra, le mâle la rejoindra, l'attrapera par les aisselles en lui montant sur le dos, puis il se laissera transporter ainsi jusqu'à la rivière. Tous deux y plongeront pour se reproduire sous l'eau et trouver un rocher où déposer les œufs, qui seront ensuite laissés à leur sort. Le couple se séparera et chacun regagnera ses pénates. Quelques semaines plus tard, les têtards viendront au monde avec une ventouse buccale qui leur permet de brouter les algues sans être emportés par le courant. Une fois devenus juvéniles, ils rejoindront le rivage et en fonction de leur sexe, ils gagneront leur lieu de villégiature. Et l'histoire pourra recommencer l'année d'après. Pas si bête. Une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité de Renaud Boistel du CNRS et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.